Sérénette est assise dans l'herbe avec sa nièce âgée d'un an, un bébé aimable qui lui prodiguait d'infinis sourires et des caresses maladroites, qui se levait, titubait, tombait, ramassait des choses minuscules et éclatait de rire sans cesse. Elle la regardait distraitement, un sourire lointain sur les lèvres. Malgré l'attendrissement qu'elle éprouvait, elle était en train de songer qu'elle ne voulait pas d'enfant. Elle n'aurait su l'expliquer de manière rationnelle, mais elle en était sûre. La maternité n'était pas sa voie, et elle se fourvoierait en empruntant une voie qui n'était pas la sienne. Pourquoi était-elle faite? Était-on fait pour quelque chose? L'existence lui avait été donnée sans la clé. Il la retournait dans ses mains comme un casse-tête obsédant. Elle se sentait errante, obscurément surnuméraire dans tous les lieux où elle se rendait. Seules ses années d'amour fou avec Brugge lui avaient permis d'échapper à la question qui la tenaillait aujourd'hui plus que de coutume. L'équation si ardue qui résoudrait son identité, son action et son destin, qui rendrait une cohérence à toutes ces choses éparses. Brugge la rejoignit avec un certain retard auquel ne prêta pas attention. Il fit sauter le bébé en l'air quelquefois, puis il le ramena à sa mère qui se reposait non loin. Enfin, il s'assit près de Serena. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien, je me suis occupé du bébé. » Il soupira et s'allongea dans l'herbe. « Et toi ? » demanda-t-elle. « J'ai écrit la synthèse et je me suis promené. Tu as reçu des ordres ?» Il hésita, sans savoir encore pourquoi, à lui parler de Anna. « Oui, je devais me rendre dans les ruines à 15 heures. »« Et qu'est-ce que tu as trouvé ?»« Anna, la sœur de Melchior. »« Et alors ?» demanda-t-elle légèrement agressive. « Rien, » dit-il un peu sèchement. « Nous avons bavardé 5 minutes et nous nous sommes séparés. » Serena hocha la tête. « Je trouve cette fille superficielle, » observa-t-elle. « C'est vrai, » admit Brugge. « Mais elle est joyeuse, » ajouta-t-il. Serena le regarda, ne sachant s'il s'agissait d'une forme de reproche à son égard. « Moi, je ne suis pas joyeuse, » dit-elle gravement. « Je m'ennuie, » ajouta-t-elle. « Je m'ennuie à mourir dans cette île écœurante. » Il porta les yeux sur elle, frappé par la violence de ce qu'elle venait de dire. « Oui, » dit-il, « c'est comme ça depuis toujours. On n'y échappera pas. Je m'échapperai, » murmura-t-elle en regardant l'horizon. Brugge la considéra avec étonnement. Il ne l'avait jamais entendu parler de cette façon. La détermination et la force intérieure qui émanaient d'elle lui plurent. Il se pencha sur elle pour l'embrasser.